J'ai vu autour de moi beaucoup d'Africains d'étrangers, justement, qui souffraient des inégalités dans plusieurs domaines. Moi, j'ai eu quand même la chance, après mon cursus universitaire, d'avoir un boulot en tant que CEO d'un institut au niveau de l'université. Donc, du coup, question racisme, ça, je ne connaissais vraiment pas. Question problème au niveau de l'université, ça, je ne connaissais pas. Mais être à la tête d'un institut universitaire et puis me mettre à conseiller des étrangers et puis des Africains et de voir la multitude des problèmes auxquels ils sont confrontés ici en Allemagne, ça m'a vraiment écœuré. Ça m'a vraiment écœuré. Et du coup, quand on m'a demandé si je veux m'engager politiquement, pour moi, c'est clair. L'Allemagne, c'est a une société très vieille, une population très vieille, par rapport à plusieurs pays africains qui ont des populations.